mec, un godin. Le SM, c'est toute une vie, mec. Attends, le squamat exerce son emprise. C'est clair. Le SM tape. Il fait fondre la banquise. Ciao, mec.